Cinquième partie, chapitre 13. De l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Cinquième partie, chapitre 13. Quatrième considération sur l'amour de Jésus-Christ pour nous. Considérez l'amour avec lequel Jésus-Christ, notre Seigneur, a tant souffert en ce monde, et particulièrement au Jardin des Olives et sur le Calvaire. Cet amour nous regardoit et obtenoit de Dieu le Père, par tant de peines et de travaux, les bonnes résolutions et protestations que votre cœur a faites, et, de plus, les grâces nécessaires pour les nourrir, pour les fortifier et pour les accomplir. Ô sainte résolution, que vous êtes précieuse, puisque vous êtes les fruits de la passion de mon Sauveur. Ô combien mon âme vous doit-elle chérir, puisque vous avez coûté si cher à mon Jésus. Hélas, ô Sauveur de mon âme, vous mourûtes pour me mériter la grâce de les faire. Faites-moi la grâce que je meure plus tôt que de les perdre. Pensez-y bien, Philothée, il est certain que le cœur de notre cher Jésus, attaché à la croix, considérera le vôtre, qu'il est moi, et que par cet amour, il lui obtiendra tous les biens que vous avez eus et que vous aurez jamais. Oui, Philothée, nous pouvons dire comme Jérémie, ô Seigneur, avant que je fusse, vous me regardiez et m'appeliez par mon nom. N'en doutons pas, le divin Jésus, qui nous enfanta sur la croix, nous portera tous en son cœur, comme une mère porte son enfant dans les entrailles. Sa divine bonté nous y prépara tous les moyens généraux et particuliers de notre salut, tous les attraits et toutes les grâces dont elle le sert maintenant, pour conduire nos âmes à la perfection, semblable à une bonne mère qui prépare à l'enfant qu'elle porte tout ce qui doit lui être nécessaire pour le conserver après la naissance. Ah mon Dieu, que nous devrions graver ceci profondément en notre mémoire. Est-il possible que j'aie été aimée et si doucement aimée de mon Sauveur qu'il ait pensé à moi en particulier et pour toutes les petites occasions dans lesquelles il m'a depuis attirée à lui? Et combien donc devons-nous aimer, chérir et employer tout cela utilement? Ceci est bien doux. Le cœur si tendre de Jésus pensa à Philothée, l'aimoit et lui procura mille moyens de salut, comme s'il n'y eût pas eu d'autre âme au monde à qui il eût pensé. De même que le soleil éclairant un seul endroit de la terre ne l'éclaire pas moins que s'il ne répandait sa lumière partout ailleurs. Il m'a aimé, dit saint Paul, il s'est donné pour moi, comme s'il disait pour moi seul, et tout autant que s'il n'eût rien fait pour le reste des hommes. C'est, Philothée, ce qui doit être gravé en votre âme pour bien chérir et nourrir votre résolution qui a été si précieuse au cœur du Sauveur. Fin du chapitre 13, cinquième partie.